Ah, mes amis, quelle fin de semaine épuisante. Vous le savez tous, j'ai décliné l'offre d'être nommé au César pour mon rôle cependant inoubliable dans le film Je t'aime, tu es moche, crève-moi les yeux et fais-moi l'amour. Je me réserve pour les Oscars. Hollywood, c'est plus ma pointure, crénelle. Oui, et oui, mes amis, là-bas aussi, ma performance d'acteur a été remarquée. Et pour un autre film, s'il vous plaît, un autre chef-d'œuvre, le nouvel opus des aventures de James Bond. À ces petits détails près que le héros ne s'appelle plus James, mais Helmut. C'était la condition pour que je participe au film. Bref, ça s'appelle Helmut Forever. Bon, c'est pas un super budget, alors on est obligé de faire avec du pas cher. J'ai sollicité l'aide de quelques-uns de mes amis proches pour me donner la réplique. Et comme vous aussi, vous êtes des amis, je vais vous faire une fleur, bande de chanceux. J'ai apporté avec moi un morceau du film. Alors, c'est quand Helmut Bond, il arrive à la soirée de l'ambassadeur du Burundi. Bonsoir. Je voudrais boire un schnapps. Schnapps olive. Remué, pas secoué. Bonsoir, vous. Salut, toi. T'es qui? Je m'appelle Travlos. Je suis la femme de l'ambassadeur. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Bond, Helmut Bond. Et vous êtes agent secret au service du Kaiser, c'est bien ça? Bien vu, Moré, dans le mille lagouines. Monsieur Bond, laissez-moi vous présenter mon mari, son excellence ambassadeur du Burundi, Valérie Mamadou. Bonsoir, bonsoir. Excellence, je suis honoré de faire votre connaissance. Bah, moi aussi, mon ami, moi aussi. Mais fais-toi, mon amour. C'est Helmut Bond, le célèbre agent secret au service du Kaiser. Si vous ne l'écartez pas de votre chemin, il est capable de mettre à jour votre trafic clandestin de pastilles Vichy radioactives. Ah bon? Vous croyez, mon amour? Bon, ben, je vais me charger de son élimination. Faites en sorte qu'il meure dans des conditions atroces. Ah oui, je suis d'accord avec vous, princesse. Je vais faire enlever le papier toilette de sa chambre d'hôtel, il n'osera plus sortir, elle va mourir de faim. C'est une bonne idée, mon fumier, mais je pense qu'un tel homme qui a fait souffrir tant de femmes mérite un sort plus cruel. Les putes piégées? Ah oui, les putes piégées. Quelle bonne idée, mon prince. Alors? Bah alors quoi? Alors c'est pas du film à suspense, ça crénait le bordel! Est-ce qu'Helmut Bond va succomber aux putes piégées? Ou va-t-il, une fois de plus, s'en sortir brillamment? C'est ça les deux filles qu'il y a dans le studio! T'as vu, elle rigole à la demande! Bon, je vous dis que ça, les petits amis, ça pue l'Oscar du meilleur acteur! Bon, je vous laisse, dans 20 minutes, je dois donner un cours de frottis dans une école de boucher. Allez, au Wiedersehen.